Troisième partie, chapitre 19, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Henry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 19. Des vraies amitiés. Ô Philothée, aimez toutes fortes des personnes d'un grand amour de charité, mais ne liez d'amitié qu'avec celles dont le commerce veut peut-être bon. Et plus vous les rendrez parfaits, plus aussi votre amitié sera parfaite. Si c'est un commerce de science, l'amitié sera honnête et louable. Beaucoup plus encore, si c'est un commerce de vertu morale, comme de prudence, de justice et de force. Mais si la religion, la dévotion, l'amour de Dieu et le désir de la perfection font entre vous et les autres cette douce et mutuelle communication, ô Dieu, que votre amitié sera précieuse. Elle sera excellente parce qu'elle vient de Dieu. Excellente parce qu'elle conduit à Dieu. Excellente parce que Dieu en est le bien. Excellente enfin parce qu'elle subsistera éternellement en Dieu. Ô qui fait bon aimer en terre comme l'on sème au ciel, et apprendre à s'enrichir en ce monde comme nous serons éternellement en l'autre. Je ne parle donc pas ici de simple amour de charité que l'on doit à son prochain, quel qu'il soit, mais l'amitié spirituelle par laquelle deux ou trois personnes ou davantage se communiquant leur dévotion, leur bon désir et leur disposition pour Dieu, non plus en elle qu'un même cœur et une même âme, que c'est alors avec raison qu'elles peuvent chanter ces paroles de David. Oh, que l'union des frères qui vivent ensemble est bon et agréable. Oui, Philothée, car le bon délicieux de la dévotion coule des cœurs des uns dans le cœur des autres, par un flux et reflux perpétuel, si bien qu'on peut dire avec vérité que Dieu a répandu sur cette amitié sa bénédiction et la vie jusqu'au siècle de siècles. Toutes les autres amitiés ne sont que comme les ombres de celles-ci, et les liens sont aussi fragiles que les vers ou légers. Au lieu que ces bienheureux cœurs, unis en esprit de dévotion, sont enchaînés avec une chaîne toute d'or. Philothée, ne faites jamais d'amitié que de cette nature. J'entends celles qui sont à votre choix, parce qu'il ne faut ni rompre ni négliger celles que la nature et vos devoirs vous obligent de cultiver, comme à l'égard de vos parents et vos alliés, de vos bienfaiteurs et de vos voisins. L'on vous dira peut-être qu'il ne faut point avoir d'affection particulière ni d'amitié pour personne, parce qu'elle s'occupe trop le cœur, distrait l'esprit et produit des jalousies. Mais ce serait vous donner un méchant conseil, car si l'on a appris de plusieurs sages et saints auteurs que les amitiés particulières nuisent infiniment aux religieux, il ne faut pas appliquer ce principe aux gens du monde. Et véritablement, il y a une grande différence. Dans un monastre bien réglé, tous conspirent à une même fin, qui est la perfection de leur état. Ainsi, ces communications d'amitié particulières ne doivent pas y être tolérées, de peur que cherchant en particulier ce qui est commun à tous, on ne passe des particularités aux partialités. Mais dans le monde, il est nécessaire que ceux qui prennent le parti de la vertu s'unissent par une sainte amitié pour s'animer et se soutenir dans ces exercices. Dans la religion, les voies de Dieu sont aisées et aplani. Et ceux qui y vivent sont semblables aux voyageurs qui, marchant en une belle plaine, n'ont pas besoin de se prêter la main. Mais ceux qui vivent dans le siècle où il y a tant de mauvais pas à franchir pour aller à Dieu sont semblables aux voyageurs qui, dans les chemins difficiles, rudes et glissants, se tiennent les uns aux autres pour s'y soutenir et pour y marcher avec plus de sûreté. Non, dans le monde, tous ne conspirent pas à la même fin et n'ont pas le même esprit. Et c'est ce qui fonde la nécessité de ces liaisons particulières que le Saint-Esprit forme et conserve entre les cœurs, qui veulent également lui être fidèles. J'ai vu que cette particularité fait une partialité, mais une partialité sainte ne cause aucune séparation que celle du bien et du mal. Des brebis fidèles à leur pasteur et des chèvres ou des boucs, des abeilles et des frélons, séparation absolument nécessaire. Certes, l'on ne saurait nier que notre Seigneur n'aima d'une plus douce et plus spéciale amitié Saint Jean, Marthe, Madeleine et Lazare, leur frère, puisque l'Évangile nous le marque assez. On sait que Saint Pierre chérissait tendrement Saint Marc et Sainte Petronille, ses enfants spirituels, comme Saint Paul les siens, et principalement son cher Timothée et Sainte Thècle. Saint Grégoire de Nazianze, l'ami de Saint Basile, se fait en honneur et en plaisir de parler souvent de leur amitié. Et voici la description qu'il en fait. Il semblait qu'il n'y eût en nous qu'une seule âme pour animer deux corps. Et il ne faut donc pas croire ceux qui disent que chaque chose est en elle-même tout ce qu'elle est et non pas dans un autre. Car nous étions tous deux en l'un de nous et l'un était en l'autre. Une seule et même prétention nous unissait dans le dessein que nous avions de cultiver la vertu en nous et de conformer notre vie à l'espérance du ciel. Travaillant tous deux comme une seule et même personne à sortir de cette terre périssable avant qu'il y mourir. Saint Augustin témoigne que Saint Ambroise aimait uniquement Sainte Monique pour les rares vertus qu'il voyait en elle et qu'elle-même chérissait ce saint prélat comme un ange de Dieu. Mais j'ai tort de vous arrêter à une chose qui ne souffre aucun doute. Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Grégoire, Saint Bernard et tous les plus grands serviteurs de Dieu ont eu des amitiés particulières sans qu'elles aient donné aucune atteinte à leur perfection. Saint Paul, reprochant aux païens toute la corruption de leur vie, les accuse d'être des gens sans affection, c'est-à-dire de n'avoir aucune amitié. Saint Thomas reconnaît avec tous les bons philosophes que l'amitié est une vertu, et il ne parle que de l'amitié particulière, puisqu'il dit que la parfaite amitié ne peut s'étendre à beaucoup de personnes. La perfection donc ne consiste pas à n'avoir point d'amitié, mais à n'en avoir qu'une bonne et sainte. Fin de chapitre 19, troisième partie.